LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il a regardé des papiers à lui et après il m'a fait enlever les habits et il m'a passé la même, mais sans me faire un grand mal. Puis j'ai cherché les vertèbres, après il me tenait les épaules, il poussait un peu et ça s'est remis en place. Il parle tout doucement, on ne comprend pas ce qu'il dit. Puis il fait des gestes. Et si nous, on lui parle, il fait... Il prend une bricole, mais vraiment, c'est pas cher. Et aussi bien, il dit, non, ça va. Enfin, si on lui donne une image ou une bouteille, la prendra bien quand même. Médecine rurale dans le Cantal. Aujourd'hui, les mots des guérisseurs. Par Antoine Tricot et François Teste. Jean-Claude Rocher, vous êtes musicien, vous êtes cabretaire, donc joueur de cabrette, un instrument d'ici de la famille des cornemuses. Et en cela, vous êtes un très fin connaisseur des traditions populaires et orales du Cantal. Vous nous avez amené ici dans une jolie vallée très verte ce matin pour rencontrer un guérisseur, c'est bien ça? Oui. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ça fait au moins 30 ans que je connais. En fait, ici, les gens, la plupart des gens connaissent cette personne parce qu'en fait, il fait partie des grands soigneurs, des grands guérisseurs du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est Alors là, on surplombe la Truyère, en fait. C'est la rivière qui va se jeter dans le Lot, à Entrailles, et qui prend sa source en Lozère, tout en haut, là-haut. Et voilà, donc on est juste au-dessus des gorges de la Truyère et puis en fait on voit la cascade du Saut du Chien en face de nous. Il est à peu près 8 heures, pourquoi être venu si tôt? Parce qu'en fait, il s'appelle André, on va dire son prénom. André, quelqu'un de très pris et souvent il part la journée, donc c'est le moment où on peut l'attraper quasiment au réveil. Et il est très pris parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent le voir? Oui. Et bon, on ne sait pas trop s'il va pouvoir nous parler parce que c'est assez secret aussi. Je pense qu'il y a une grande méfiance de la part des guérisseurs en général par rapport à tout ce qui peut être représenté l'institution. Je pense que c'est des gens qui ont, ils ont déjà un problème avec le Conseil de l'Ordre qui peut éventuellement les attaquer pour exercice illégal de la médecine. Ils ont aussi des problèmes avec le fisc. Donc je suppose qu'ils sont... ils n'ont pas forcément envie de communiquer sur leur savoir. Et puis il y a aussi je pense que tous ces savoirs anciens, ils ont été tellement déconsidérés à un moment donné par la société moderne que ces gens-là vivent un petit peu dans la clandestinité, en fait. Hein. Pour dire ça. On va voir. Je sais pas du tout, là. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Allons-y. Dans le Cantal, tout le monde connaît au moins un guérisseur. En grandissant là-bas, j'ai été baigné dans cet imaginaire des magnétiseurs, des rebouteux, des coupeurs de feu. Des copains y allaient pour se faire retirer des verrues, d'autres les consultaient pour faire disparaître leur acné. Et pour les brûlures, ça ne faisait aucun doute, il fallait un guérisseur, et de préférence un vieil agriculteur ou une vieille paysanne. Ça rendait le tout plus crédible. Petit, je ne me posais pas de questions, ça faisait partie du paysage. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Une partie rationnelle de moi me pousse à me méfier, à sentir la tension entre ce qui se raconte sur ces guérisseurs, la position de pouvoir que ça leur donne, et ce qu'ils peuvent vraiment réaliser. Mais d'un autre côté, lorsque j'avais 15 ans, une guérisseuse m'a aidé à faire passer un zona. Et au-delà de mon cas personnel, cette tradition populaire se perpétue dans la plupart des campagnes françaises, malgré toutes les remises en question et les avancées de la médecine. Alors oui, il doit bien y avoir certains qui pensent avant tout à l'argent et pas aux patients qui viennent les voir. Et bien sûr qu'aucun guérisseur ne peut remplacer un généraliste ou un chirurgien. Pourtant, cette persistance de l'irrationnel dit quelque chose de notre rapport à la maladie. Et cela dit aussi beaucoup des histoires que nous avons besoin de nous raconter pour faire face à notre propre fragilité. Ça va ? Ça va ? Ça va bien, ouais. Ça va bien. va, ça va. Bonjour. Bonjour. Je vous amène une équipe de radio. Ah bon ? Ils font une émission sur les guérisseurs. Oh ! Ah bon ? Est-ce que, du coup, on peut rentrer ? Ouais. Vous avez le téléphone qui sonnait en permanence. C'est des gens qui vous appellent pour, voilà, oui, pour être soigné. Oui. Et vous répondez de temps. Oui, des fois. Une fois sur 40, non ? J'en fais des téléphones. C'est difficile de vous avoir au téléphone. Ah oui, c'est sûr que... Ah, ça y est. C'est ici que vous recevez les gens ? Oui. C'est un petit bureau ? Oui. Vous pouvez me le décrire ? Vous avez des jolis fauteuils en tout cas. Oui. Fauteuils, table d'école, avec des angles grillés. Voilà. Et beaucoup de lettres dessus ? Oui, vraiment. Alors, du courrier, oui, il y en a. C'est des gens que vous soignez qui vous, voilà, qui vous écrivent ? Voilà, qui écrivent, qui ont téléphoné, qui ont. Voilà. Pour être soigné, il y en a de tout. Ça dépend, oui, ça dépend des personnes. Bon, on va peut-être s'asseoir à côté ? Oui, si vous voulez. Et le don, vous le tenez de votre père, en fait ? Voilà. Mon père, grand-père, arrière-arrière-grand-père, ça date de, on remonte à plus de 500 ans. Ça veut dire quoi, guérisseur, exactement ? Mais soigner beaucoup les maladies de peau, les infections, les allergies, les trucs comme ça, voilà. Aussi bien sur les bêtes que sur des gens, voilà. Comment vous procédez sans révéler les secrets, peut-être que non, vous utilisez... voilà, c'est comme ça, on se concentre avec les renseignements, les trucs, et on arrive à soigner, voilà. Vous avez besoin de toucher la personne ? Non, pas spécialement, parce qu'il y en a beaucoup qui me téléphonent et que je ne vois pas. Ça ou qui écrivent, ou qui... Voilà. Et ça fonctionne comment, par téléphone ? Pareil, je demande des renseignements et après je me concentre avec tous les... Ouais. D'où vient ce pouvoir de guérison que vous avez ? Je sais pas, on sait pas trop. L'origine, c'était d'après des ditons, d'après des trucs, ça serait un pauvre dans le temps qui passait, des pauvres, qu'ici on lui donnait à manger de temps en temps, et alors pour la peine, il aurait donné ce don. À votre famille ? Oui. Et après, ça s'est transmis de génération en génération ? Oui, de père en fils, et voilà. Souvent, c'est des garçons, c'est des garçons, c'est... Ça a été toujours des hommes, ici. Et comment ça s'est passé pour vous ? C'est votre père qui vous l'a donné ? Oui. Ça s'est passé comment ? Comme ça, il vous dit des formules, des trucs, voilà. Mais le don, il est lié à la maison, ici ? Ou pas ? Oui, on ne sait pas. Ça, c'est un truc. Est-ce qu'il faut être ici, habiter ici ou quoi ? Je ne sais pas trop. Ouais. Et le don, vous allez le transmettre à votre fils ? Oui, sans doute, mais j'ai qu'un fils. D'accord. Qu'est-ce que vous guérissez exactement ? Beaucoup les eczémas, les maladies de peau, les verrues, les dartres sur les bêtes, les trucs, voilà. Et tout fonctionne pareil ? On n'obtient pas les mêmes résultats, des fois, d'une personne à l'autre, c'est plus difficile, c'est... Oui. Est-ce que les gens doivent croire, justement, à ce don de guérison ? Ah ben, c'est sûr que s'ils y croient bien, c'est sûr que c'est mieux, ils obtiendront meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à traiter ? Oh oui, il y a des maladies ou des trucs où on a du mal à traiter, oui. Certaines maladies, le psoriasis, des trucs, c'est maladies un peu héréditaires ou des trucs comme ça. Alors c'est plus dur à soigner, ça. Je suis né ici, dans ce pays, donc c'est un petit peu normal que je connaisse ces gens-là. On a toujours... eu recours à eux depuis longtemps. Et en fait, j'ai aussi, en faisant mes enquêtes de terrain sur la musique, sur les chants, sur la langue, etc., ça m'a aussi permis de rencontrer ces gens-là, quoi. Ce qui relie les musiciens et les guérisseurs, c'est qu'il y a forcément un côté humaniste, en fait. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui nous réunit, quoi. Pourquoi vous pensez que dans cette région, quasiment tous les gens qu'on croise connaissent au moins un guérisseur? Parce que c'est une région où les gens sont restés à la terre, en fait. C'est encore une région où il y a une vie paysanne, en fait. Voilà, donc il y a une certaine authenticité. Donc c'est là où on trouve les guérisseurs, c'est là où on trouve les joueurs de cabrette aussi. C'est au sein des familles, c'est quelque chose de très profond. Hein. Ce sont des pratiques très anciennes qui se sont transmises. Donc voilà, on va voir le guérisseur, voilà, on va voir le médecin, mais on va voir aussi le guérisseur. Claude Lousser, nous sommes dans votre cabinet dans le centre-ville de Saint-Flour, qui est la sous-préfecture du Cantal située à l'est du département. Nous venons de monter un petit escalier un peu raide pour venir dans votre appartement, dans une des maisons du centre-ville historique. Première porte sur la gauche, nous sommes dans votre cabinet, une pièce de mur rouge avec des grands cœurs d'ailleurs sur le mur et beaucoup de figurines et de religieuses et de croix. À quoi servent justement tous ces objets que vous avez autour de vous? Je vois notamment un crucifix avec du buis au-dessus. Je suis de la religion, je suis catholique, chrétien catholique. Je suis quelqu'un de très croyant, voilà, qui prie beaucoup. Voilà. Comment vous définissez-vous? Vous êtes un guérisseur, un rebouteux, un penseur de secrets? Je suis guérisseur, oui, j'ai un don, oui, voilà, guérisseur, rebouteux, magnétiseur, et puis oui, j'ai des secrets en moi, voilà. Mais c'est-à-dire que des fois, on arrive à réaliser des choses que n'importe qui ne peut pas réaliser, qui marche bien quand je soigne des gens ou comme ça. Mais après, de mon don, je ne suis pas quelqu'un qui fanfaronne avec. Je suis quelqu'un de secret, quelqu'un qui écoute les gens. Et ce que je demande chaque fois est que je suis content quand je vois que les gens guérissent ou qu'ils repartent en marchant, voilà, ou qu'ils me donnent de bonnes nouvelles, c'est tout, voilà. Quelle est la différence peut-être entre guérisseur, rebouteux, magnétiseur? Rebouteux, je remets en place, voilà, tout ce qui est, voilà. Guérisseur, c'est par exemple les maladies de peau, voilà. Vous dites vous remettez en place, c'est-à-dire? Oui, ben, quelqu'un a une torsion à un genou, quelqu'un a les cervicales, quelqu'un a une sciatique, quelqu'un a une foulure à une cheville, voilà. C'est de remettre les membres en place, voilà. Quelqu'un a une épaule qui ne fonctionne pas. Voilà. Et là, je suis heureux quand je vois les gens qui repartent, qui montent l'escalier avec une canne et qui repartent sans canne, quoi, voilà. Voilà. Et les gens me confient beaucoup de leurs secrets de maladie, leurs secrets de famille, et beaucoup de secrets, voilà. Et des fois, des choses que la réalité, je ne voudrais pas entendre, voilà. Mais je suis obligé de les entendre, voilà. Au début, quand j'ai commencé, c'est un peu lourd à porter, c'est même très lourd, mais après on s'y fait, voilà. Il faut respecter les gens, je les respecte, voilà. Moi je soignais des bêtes et qu'elles sont loin, je les touche pas, on peut pas. Voilà, je me déplace pas. Vous aviez soigné les chèvres de mon voisin, les chèvres qui avaient le pied éteint. Oui. Tout le oui. troupeau avait le pied éteint, en fait. Donc c'est une espèce de nécrose du sabot, en fait. Oui. Et vous les aviez guéris. Oui. Oui. Le propriétaire vous appelle. Oui. Et vous dit, ben, j'ai telle bête qui va. Oui, telle bête, telle machine. Qui va pas bien. Les vaches, maintenant, on demande le numéro de travail. Non, le numéro, alors on demande le numéro. Vous concentrez sur voilà. le numéro. Oui, voilà. En récitant potentiellement les oui. formules que vous connaissez. Voilà. Et c'est tout. Oui. Même à distance, en fait. Oui, voilà. Maintenant, si c'est trop trop loin, ça, les distances se jouent quand même. Alors on parle d'effet placebo chez l'homme. Alors est-ce qu'il y a un effet placebo chez la chèvre, chez le mouton? Est-ce que les brebis étaient au courant de qu'elles étaient soignées? J'ai eu ce don, j'avais 36 ans, je l'avais avant, je le savais un peu, mais j'ai rencontré un curé qu'on appelait le curé d'Oriaguet, qui était dans un petit village de à côté de Sainte-Geneviève qui s'appelait Oriaguet, et on allait le voir avec d'autres agriculteurs pour chercher des bêtes l'automne, parce que les montagnes n'étaient pas clôturées comme aujourd'hui, il y avait des vergers, bon, des fois les bêtes leur échappaient, et l'automne on allait le voir pour qu'il nous cherche au pendule, ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et alors, avec ce prêtre, je l'avais invité à venir chez nous, dans la commune de Brozon, sous le pont du Cantal. Et puis, on devait être trois, et puis j'étais tout seul avec lui pour l'accompagner. Et il m'attendait à 6h du matin, et nous voilà partis dans les montagnes. Et au bout de, je sais pas, peut-être un quart d'heure de marche, il se retourne, il me dit « Monsieur Loussert, vous savez que vous avez le même pouvoir que moi dans les mains. » Quand on vous dit ça, à 36 ans, ça vous travaille un peu, quoi, voilà. Et on a fait quelques pas de plus, et puis tout à coup, je lui ai dit « Merci, monsieur l'abbé. » Alors on m'a dit « Oui, mais monsieur Loussert, bien plus tard, vous penserez à moi, vous serez quelqu'un. Mais pensez-y bien, mais plus tard. Par contre, le pendule, vous pouvez le faire. Si vous y arrivez, vous pouvez le faire, mais le reste, plus tard. » Et après, j'ai compris que ça m'est venu quand il a été mort, voilà. Voilà. Et en arrivant au village de Brozon, je l'ai déposé, on a été boire le café dans ce petit bar qu'il y avait. Et puis, en sortant, il me dit, je vais vous décrire votre femme, monsieur Loussert. Votre femme, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un que vous pouvez faire confiance. Je vais vous dire la suite. Vous pouvez y faire confiance sur tous les bords. Et c'est une grande brune qui a les cheveux longs. Elle les porte des fois longs. Elle fait son chignon qui lui va très bien. C'est une femme facile à vivre, vous recevez beaucoup de gens. Et c'était la réalité. Lui ne l'avait jamais vue. Mais il n'y a qu'une chose qu'il a oublié de me dire, mais elle n'a pas voulu me le dire. Malheureusement, un an et demi après, j'ai perdu d'un cancer au rectum dans l'affaire de 3 mois et demi, oui. Quelqu'un qui était jamais malade, et ce qu'il disait, quand il a décrit, c'était elle, quoi, voilà, voilà. Alors là, j'ai compris, parce que j'avais entendu parler pas mal d'histoires sur le curé d'Oriaguet, c'était quelqu'un de fabuleux dans le pays. Et puis là, j'ai été obligé de croire que c'était la vérité, voilà, voilà. Et alors là, c'est là que j'ai ressenti le besoin de soigner, voilà. Et petit à petit, j'ai commencé comme ça, de bouche à oreille, quoi, voilà. Mais la première fois, c'est pas facile, parce que vous avez des gens qui disent « Oh, mais celui-là, il était paysan, on a vu traire les vaches, faire du fromage, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour ici, c'est pour là-bas. » Il y a plein de trucs, quoi, qui vous affaiblissent. Autour des personnages des guérisseurs, il y a beaucoup de légendes qui circulent aussi, beaucoup d'histoires qui se racontent. Oh oui, comment... oui, là, il y a beaucoup de trucs. C'est l'histoire de votre père, l'histoire oui. Avec les gendarmes. Oui. C'est celle que racontent tous les gens. Oui, ici. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment. Et en fait, c'était quoi l'histoire? Bon, l'histoire, soi-disant que les gendarmes, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire et que mes ancêtres, ils auraient pris et les avaient. Neutraliser, si vous voulez, voilà. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les gendarmes avaient mis un procès à un de vos ancêtres, à votre père ou votre grand-père, je ne sais plus. Parce qu'il n'avait pas de lumière sur le vélo, ou je ne sais pas. Oui, ça c'est ça. Et après, il leur avait dit, si vous me mettez le procès, moi, je vais vous empêcher de partir d'ici. Et ce que disent les gens, c'est que les gendarmes se sont mis à... ils étaient à vélo à l'époque, c'était oui. Ancien. Ils se sont mis à tourner autour de la place et ils n'arrivaient pas à sortir de la place. De... Oui, ça se dit, mais bon, ça vraiment, si c'est vraiment vrai ou... Roger Roger Aldebert, nous sommes assis dans votre cuisine avec Jean-Claude Rocher qui vient de nous accompagner chez vous après être allé voir André qui est guérisseur sur le versant d'en face, de l'autre côté de la rivière. Comment avez-vous rencontré ce guérisseur? Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, il y a une trentaine d'années à peu près, je le connais. Je l'ai connu, c'est un peu spécial. Je faisais des travaux dans le pavillon qu'on a à Saint-Gervais pour préparer la retraite, parce qu'on venait en vacances, mais on commençait à prendre de l'âge. Et j'avais donc une réunion avec les entreprises pour mettre le chantier à jour. Et ma femme voulait venir, seulement elle se trouvait à l'hôpital du Val-de-Grâce avec un zona. Non, le professeur Laverdant du Val-de-Grâce, me connaissant, il m'a laissé partir avec ma femme en condition qu'elle ne prenne pas froid. C'était au mois de mars, il n'était pas chaud justement. Mais enfin, dans la voiture, on a fait attention. Arrivé à la maison, elle avait été chauffée par des voisins. Et puis on est resté là, puis j'ai fait mon rendez-vous avec les entreprises. Et puis à ce moment-là, il y a Madame Sabrazès Simone, qui tenait un café face à l'église à Saint-Gervais, qui me dit, mais pourquoi que tu vas pas voir le guérisseur qui est pas loin d'ici? Je lui dis, c'est celui-là, parce que je le connaissais pas. Mais il me dit, c'est un guérisseur, tu verras, le zona, il va disparaître dans la journée. Bon, je lui dis, après tout, qu'est-ce que je risque? On a pris rendez-vous. J'étais un soir, au moment où il traisait les vaches. Alors ma femme a fait d'une vache à l'autre, lui, dans son tabouret, puis il s'occupait du pied des vaches. Puis il parlait avec ma femme, alors, ah bon, votre père est béarnais, bon, ah, votre mère est née dans le Cantal, bon, parler d'autres choses et d'autres, tout ça. Puis d'un seul coup, il lui a dit, ça y est, vous pouvez partir, c'est fini. Et puis, on est parti, bon, dans la voiture, surtout qu'elle prenne pas froid, et puis, le lendemain, je prends la route pour Paris. J'arrive à Paris, je la dépose au Val-de-Grâce, tant que je l'avais prise au Val-de-Grâce. Dans la journée, le professeur Laverdant fait sa visite. Il voit ma femme, il dit, alors, le voyage s'est bien passé? Elle dit, oui, oui. Bon. Puis il oscule, il dit, mais, oh, madame, vous avez été à Lourdes? Ben, il dit, pourquoi à Lourdes? Ben, écoutez, il n'y a plus rien, c'est fait. Allez, dites-moi la vérité, je connais Roger, puis il a dû avoir une histoire là-dedans. Allez, dites-moi la vérité. Alors, elle lui explique un peu ce qu'elle avait fait. Ah, il dit, je sais, je connais. Moi, je n'ai pas le droit, en tant que médecin, de m'en servir. J'ai pas le droit pour les patients, mais pour moi, ou pour de la famille, ou des amis proches, je peux m'en faire servir. Alors, vous serez bien gentil de dire à Roger qu'il me donne son numéro de téléphone. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et il a dit, maintenant, je vous signe votre sortie d'hôpital, c'est plus la peine de rester. Au mois de novembre, j'ai eu un coup de téléphone d'un monsieur, un ancien de Paris. Il était venu pour sa femme qui avait un ennui à une épaule. Et puis, avant de partir, il était assis là-bas sur la chaise où vous étiez monsieur tout à l'heure. Là. Et avant, je lui ai dit, je ne veux pas vous dire son nom, je ne peux pas. Mais je lui ai dit, monsieur, il faudrait aller voir votre docteur. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il me dit, pourquoi? Je crois que vous avez un petit problème de foie. Oh, il me dit, moi, j'ai pas mal de foie. Et j'ai dit, moi, allez voir le docteur, lui, vous le dira, il va vous faire une petite prise de sang et il vous le dira. Et en sortant, je sais que quand il m'a téléphoné fin novembre pour me le dire, et il me dit, monsieur Lousser, parce qu'il téléphonait pour sa femme, qui avait besoin de renseignements, et son épouse me dit, mais je vais vous passer mon mari. Et c'est là qu'il m'a remercié, et il m'a dit, je vous remercierai jamais assez, mais je ne le croyais pas quand je suis parti de chez vous devant la porte, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais il va pas bien, celui-là, de la tête, il y a quelque chose. Alors sa femme lui dit, mais on peut aller au docteur, on va y aller demain matin. Et ils y ont été, et deux jours après, voilà, il a fallu partir. Et le cancer était en train de se remettre, et ils l'ont opéré, ils l'ont guéri, voilà. Et il est guéri complètement. Alors c'est pas beau, ça? Eh? Ouais. Pour moi, c'est difficile à dire, ça, vous comprenez? C'est pas une petite affaire, c'est pas... Voilà. Mais il faut chercher les mots autrement, quoi, voilà. Vous êtes, Jean-Claude Lousser, en tant que guérisseur, toujours confronté à la maladie, à la souffrance. Oui, oui. Comment vous faites justement pour assumer tout ça, pour porter ce poids-là? C'est pas facile pour moi. C'est pas facile. Mais je prie beaucoup. Et je vais souvent une petite chapelle qui s'appelle la Font Sainte, qui est entre Murat et Rionnes-Montagne, sur la commune de Saint-Hippolyte. Et j'y étais hier soir encore. Et là, je vais me ressourcer, voilà. Et quand je pars de là, je suis vraiment... Je me lave les mains, je fais ce que j'ai à faire. Et je suis vraiment bien, voilà. Je peux voir beaucoup de monde après. Jean-Claude Rocher, vous êtes un peu notre guide dans le Carlades aujourd'hui pour voir Guérisseur et une fontaine à côté de Thiézac. Pourquoi vous nous avez amené ici ? Ben parce que c'est ce qu'on appelait la fontaine de Saint-Martin. Donc c'était un lieu qui était utilisé pour soigner les enfants qui avaient du mal à marcher. Notamment, enfin les gens qui étaient les enfants qui étaient rachitiques. Donc, on appelait ça la maladie des jambes croisées, je crois bien. Moi, j'étais venu, j'avais 4 ans. 4 ans, alors je ne me rappelle pas. Et j'avais un problème aux jambes. Et ça ne m'a pas guéri. Mais moi, ce n'est pas pareil, c'était de naissance. Et sinon, il y avait du monde. Alors, moi, on m'a dit qu'il fallait un gant. Et si on avait mal aux épaules, mettons, il fallait se déshabiller, tremper le gant et bien frotter l'endroit. Mais en général, ça marchait. C'est une eau enfin, miraculeuse, quoi. Bienfaitrice. Ouais, non, mais c'est vrai quand même. Hein. Et après, les gens, ils jetaient des pièces. Il y avait une fontaine, mais c'est là. Et elle était propre et on voyait les sous dedans. Cette source, elle est face à nous, mais nous sommes surtout face à un tas d'orties qui montent contre une falaise en basalte noire, moussue. Il y a des boutons d'or, des fleurs, des fleurs de trèfle, mais moi je vois pas de source. Donc où est-ce qu'elle est dans tout ça ? Alors la fontaine en pierre, ça faisait un grand trou d'eau, donc elle était au pied du. Avant la croix là. Il y avait deux sources, il y avait une source qui était par là, et là où on trempait les gamins, où on les frottait, là, comme disait Jean Vareille, ouais. Parce qu'il y avait maman qui trempait carrément les gamins dans la fontaine. Dans la fontaine, et puis la fontaine. Et puis après il est frictionné, etc. Et donc elle était là-bas au pied du rocher. Là, hein. Et pourquoi ça s'est perdu ? On est dans une région où les croyances étaient accrues, étaient fortes. Hein. Il fallait à tout prix, déjà, bon, aller à la messe et tout, même s'il y avait de la neige, etc. Il fallait, quand on était petit, il fallait faire enfant de cœur, c'était comme ça, quoi. On acceptait. Bon, après, les choses, ça s'est un peu libéré. Alors, bon, est-ce que, dans le même sens, ça s'est un petit peu oublié ? C'est peut-être un peu dommage aussi, quoi. Voilà. Roger Aldebert, quelle chanson vous venez d'interpréter à la cabrette ? Alors, ce n'est pas une chanson, c'est un cantique. Ça s'appelle « La Vierge de los Montaños », la Vierge des montagnes. Alors, elle se chante en occitan et en français, bien entendu. Bon. Alors, « Oh, Vierge de los Montaños, Sainte Vierge, Nostra Mama ». Bon, ça c'est quelques mots, je ne vais pas continuer. Bon. Et puis après, elle se chante en français, « Ou Vierge de montagne de notre mère voilà. ». Jean-Claude Rocher, vous qui êtes aussi cabrettaire, vous teniez à ce que Roger Aldebert joue cette chanson, parce que pour vous, ça a un lien avec, justement, les prières de guérison, c'est bien ça ? Mais je pense qu'il y a beaucoup de prières de guérison qui sont dédiées à la Vierge, en fait. Il y a deux types de prières, il y a la prière qui va guérir et la prière qui va protéger le guérisseur. Pour que le guérisseur ne prenne pas le mal de la personne qui soigne. Et pourquoi cette Vierge dans le cantique et une Vierge des montagnes? Bon, parce qu'il fallait l'appeler, on ne pouvait pas me dire la Vierge de la mer, on est trop loin de la mer. Pierre Thoire, Jean Vareille, la source est un peu oubliée aujourd'hui. Malgré tout, les guérisseurs, au contraire de cette source de guérison, continuent à être bien connus dans le pays. Est-ce que vous en connaissez certains à côté? Moi, je connais un à Saint-Plour. J'avais très mal au dos et j'avais deux vertèbres de déplacer. Et il me les a remis en place. Et maintenant, ça va très bien. Il avait aussi soigné des veaux qui avaient les andères, les dartres. Oui, des dartres. Parce qu'il fait un peu de tout. Un jour, j'étais du côté d'Arpajon, chez un cousin de chez nous, quoi. Et il me dit, les veaux, ils sont couverts de dartres. Et c'est une ferme où il y a 100 même vaches. Alors j'ai dit, téléphone à Lousser. Et il lui téléphone. Et le cerf lui a dit, bon, où c'est que vous êtes? Alors vous revenez à l'étable, vous regardez les veaux, vous mettez la main face à eux, et vous restez comme ça. Alors je ne sais pas s'il n'est pas resté longtemps, mais il dit, bon, mais ça va, c'est fini. Une heure après, les veaux, déjà, avec les dartres qui... ça revenait un peu normal. C'était par téléphone tout ça? Par téléphone. Il y a quand même 50, 100 km. Hein. Chapeau. Et par contre, il y a André. Lui, c'était. J'avais une équipe de chiens pour la chasse, des fox. Et un jour, quand je suis rentré, j'ai vu que le fox était petit, il avait une tête comme ça. Alors, il était attaché, j'ai regardé. Et j'ai vu une vipère coupée en trois. Devant le fox. Alors j'ai dit, il s'est fait mordre. Et sa tête avait gonflé, du coup. Ah, mais, ouais, puis dingue. Alors je l'ai amené chez les vétérinaires. Ils l'ont regardé, ils m'ont dit, il n'y a rien à faire, je peux vous le tranquilliser, puis le faire une piqûre pour l'éliminer, quoi. Alors j'ai dit non, et je l'ai mené chez André. Et André me connaissait bien, alors on a parlé 5 minutes, mais il était midi moins le quart. Alors j'ai dit, bon, on a parlé, mais... Et mon chien, alors... il me dit, mais c'est fini, il va bien. Je le regardais, et le chien allait très bien. Alors c'est preuve quand même qu'il y a du... Ils sont... Enfin, moi j'y crois quand même à tous ces trucs. Il y a quelque chose quand même. D'où ça vient, ça c'est extraordinaire. Et moi j'ai essayé de faire comme les guérisseurs, mais je peux le faire autant que je veux. Il n'y a rien, c'est comme ça. Il y a une dame qui arrive pour se faire soigner. C'était la deuxième fois qu'elle venait. Et puis elle me dit, Monsieur Lousser, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai de la famille, j'ai pas des enfants directs, mais je coupe ça. Et je vais vous donner à vous parce que je vous fais confiance. Voilà. Je lui demandais rien du tout. Ouais. Et je n'ai même pas demandé le nom et le prénom parce que je suis pas curieux. Et j'aurais dû, mais ça m'a tellement émotionné, tellement choqué, quoi, voilà. Et elle m'a donné le petit papier, elle m'a dit, voilà, vous pourrez le faire. Et c'est la réalité, ça marche bien, ouais, c'est vrai. Le petit papier, c'est-à-dire, il y a quoi sur le petit papier? Ah, mais ça, c'est un secret de qu'elle m'a donné, quoi. Voilà. Pour couper le feu, c'est la même chose? C'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait, voilà. Ça permet de faire quoi, couper le feu, concrètement? Eh bien, si quelqu'un se brûle, y couper la douleur et aider à ce que ça guérisse, voilà. Voilà. C'est comme, par exemple, pour soigner un zona. Si vous coupez pas le feu, déjà, c'est par là qu'il faut faire... Après, il faut couper le zona et puis après, il y a des choses à dire, voilà. Je la fais par téléphone, celle-là, bien sûr. Comment ça se passe par téléphone? Ça peut surprendre. Ça surprend, mais je vais vous dire une chose. Ils mettent la main, par exemple, je vais vous dire sur le ventre. Ils mettent la main, je leur dis voilà, et puis je fais ce que j'ai à faire, et j'ai fait faire trois petites croix, je recommence et voilà. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont du mal à croire à ce que vous faites? Ah, ben, je comprends, oui, mais il faut dire une chose, quand les gens sont bien malades ou qu'ils ont bien mal, ils y croient, quoi, voilà. Ou des fois, il y a des gens qui me portent la photo parce qu'ils disent, voilà, parce que cette personne, il ne croit pas à tout ça. Mais par photo, j'aime pas bien, je préfère me soigner par téléphone, voilà. Je vais vous dire une autre chose, j'ai eu un client le vendredi, là, et il me téléphone, c'est un ami que j'ai soigné depuis longtemps, qui est marchand de fromage. Il me dit, cette femme, elle est tombée paralysée, et elle est rentrée à Lyon, elle avait des problèmes pulmonaires, et elle était en train de tomber dans le coma. Alors on m'a dit, j'ai dit comme ça, mais il faudrait qu'il me téléphone, et il me téléphone, monsieur, c'était en début d'après-midi, et puis elle était dans le coma, quoi, voilà. Alors elle pose la main sur ses côtes, tout ça, la main, là, la tête, et puis tout à coup, elle me dit, mais j'ai la porte qui s'ouvre. Alors le docteur lui a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a plus rien à faire, votre sorcier, il n'y a plus rien à faire. Bon. Alors il dit, qui c'est qui? C'est un guérisseur qui dit, bon, mais allez-y, je n'empêche pas. Mais pour nous, il n'y a plus rien à faire. Et puis le docteur, il a gardé toujours sa main, sa tête qui dépassait un peu. Et tout à coup, elle a gémi un peu. Il ouvre la porte, il dit, ah, mais je vais chercher tout le service parce que là, c'est pas pareil. Et bien, elle est sauvée. Elle se porte bien, elle est chez elle et tout. Oui. Ah, vous croyez que ça, c'est pas beau, ça? Même moi, j'avais du mal à le croire la première fois. Oui, c'est vrai, oui. J'ai pas le droit de mentir, sinon je le dirai pas, hein. Voilà. Ça vous dépasse, parfois? Ah, ça m'a dépassé, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Vous êtes infirmière aux urgences dans un hôpital du département du Cantal. Vous avez également le don de couper le feu. Ça doit bien faire une dizaine d'années que j'ai le don. En fait, c'est dans ma famille depuis très longtemps et c'est une de mes tantes qui me l'a donné, en fait. Ça faisait quelque temps, en fait, que j'essayais un petit peu, moi, d'obtenir, parce que ça m'intéressait bien, que j'étais, voilà, intéressée. Après, voilà, on ne demande pas vraiment et un jour, elle m'a dit, si tu veux... Donc voilà, je te le transmets. Donc elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire et voilà. Après j'ai essayé, voilà, toute seule et ça se passe beaucoup au feeling, quoi, en fait. Hein. C'est difficile à expliquer, hein. Même moi qui le fais, je ne sais pas vraiment comment ça marche. J'ai voilà quelques gestes à faire, quelques paroles à dire dans mon esprit et voilà. Il suffit d'être bien concentré et c'est vraiment quelque chose qui se sent, quoi. C'est alors complètement en dehors de mon métier très cartésien, mais voilà, ça marche, donc... Julie, vous travaillez comme infirmière aux urgences. Est-ce qu'il n'y a pas certains de vos collègues qui vous regardent bizarrement? Alors ça, c'est bien démocratisé. L'ensemble de mes collègues, quand même, font beaucoup appel à moi. Même, voilà, quand je suis de repos, parce que je le fais par téléphone, donc elle m'appelle. Il reste quelques médecins qui sont un petit peu plus réticents, mais très peu. Bon, après, voilà, ils me laissent faire quand même. Et voilà, je ferme les yeux, disons, et bon, ça marche, fais-le si tu veux, mais sans trop y croire, mais il me le laisse faire quand même, de toute façon, quoi. Vous dites par téléphone également, ça aussi, comment ça fonctionne? Par exemple, s'il va me décrire, c'est, voilà, je me suis brûlée sur le pouce de la main gauche, à tel endroit, sur le dessus, donc bien la bonne description, et je vais pratiquer sur moi, sur le pouce gauche. Et je ressens la chaleur, en fait, souvent. Au bout de mes doigts, et voilà. C'est signe que ça marche bien, en général, quand je ressens la chaleur, voilà, sur moi, et ça marche. J'ai aussi entendu dire que les médecins, parfois, notamment dans des thérapies autour du cancer, que ce soit des rayons ou pour tes brûlures, peuvent renvoyer les gens vers des guérisseurs ici. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça se pratique. J'ai pas mal de gens qui m'appellent qui sont en radiothérapie, parce que ça marche plutôt bien aussi. Donc, et j'ai aussi sur l'hôpital, à l'hôpital de jour, un des médecins qui fait des consultations douleurs et qui utilise des patchs qui ont le défaut d'avoir comme effet secondaire de brûler un petit peu sur la peau, qui fait appel à moi de temps en temps pour soulager cet effet secondaire. a pas longtemps, je partais au lit. Et des gens que je soigne du côté de Rajad, et ils me téléphonent, et puis la maman, elle était en train de faire hémorragie par la bouche. Voilà. Et j'ai soigné en deux fois, et je leur ai dit, si dans une heure c'est pas passé, appelez les pompiers, appelez les urgences, amenez-les aux urgences, parce qu'ils voulaient pas y aller de suite. Et bien, ils m'ont téléphoné le lendemain à 7h30, une heure après, le sang était arrêté, voilà. Alors, vous croyez que ça, c'est pas beau? Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique, quoi, voilà. Des gens, des fois, j'ai des gens, mais il y a des docteurs que je soigne aussi, et puis des gens qui sont quand même un peu, voilà, qui est de la partie, et puis des infirmiers, du monde médical, j'en soigne beaucoup. C'est des gens que je respecte, et que il faut pas, quand à cause qu'on est guérisseur, il faut surtout pas essayer de dire aux gens, allez pas voir les docteurs, ou enlever les médicaments que le docteur vous a donnés, ça jamais de la vie. Parce qu'un docteur, c'est un docteur, et il y a des médicaments que si on ne les a pas, on peut pas, on vit pas longtemps, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. D'ailleurs, sur mes petites ordonnances, quand je donne des remèdes à base de plantes, de l'homéopathie, je me tire toujours un trait, et puis je mets surtout ne pas arrêter le traitement donné par votre docteur traitant. Voilà, ça, on n'a pas le droit de... Pour ma part, surtout pas ça. Voilà. Voilà. Et il y a des moments aussi où vous vous sentez impuissant par rapport aux maladies ? Des fois, oui. Des fois, oui. Malheureusement, oui. Dans certains cancers, quoi, c'est pas facile, voilà. On peut aider les gens, mais voilà. Mais c'est dommage que, entre les traitements des docteurs et les traitements de mon guérisseur, il y a des choses qui pourraient simplifier la vie, je pense, voilà. Voilà. Julie, la plupart des gens qui arrivent aux urgences et qui potentiellement, avec une brûlure, se voient proposer qu'on leur passe le feu, comment réagissent-ils ? Alors, dans une grande majorité, plutôt bien, ils acceptent. Certains acceptent, mais n'y croient pas, je le vois vite de toute façon. Il y en a qui n'y croient pas et alors il y a certainement une part psychologique hein, dedans. Mais ça marche pas. Quand ils y croient pas, ça fonctionne pas, quoi. Du coup, ils rentrent pas dans le truc et ça marche pas, quoi. S'il faut que les gens y croient, est-ce que c'est pas un peu un effet placebo ? Si, je pense qu'il y a une part psychologique aussi dans l'idée, hein, parce que voilà, c'est sûr. Hein. Mais bon, par téléphone sur des enfants avec mes collègues, parce que les enfants, voilà, peuvent pas, parce que j'ai besoin de toucher l'endroit. Donc je le fais avec mes collègues. Voilà, là, il n'y a pas l'effet placebo. C'est là que je ne l'explique pas. Parce que bon, l'enfant, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on fait. Et puis, il s'arrête de pleurer et il a plus mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est les enfants où c'est le plus marquant. Parce que voilà, c'est complètement naïf et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà, typiquement, un enfant qui a mis la main sur un insert, sur la vitre de l'insert, on en a pas mal. Une grosse brûlure à l'intérieur de la main. Et voilà, en moins d'une semaine, ça pelait, il n'y avait plus rien, c'était nickel, quoi. Donc ça, c'est génial, quoi. Vous êtes guérisseur, vous acceptez de nous parler facilement. Oui. Ce n'est pas évident pour un guérisseur de parler de ce qu'il fait. Il y a quand même une tradition du secret. Il y a aussi une pudeur par rapport à la commercialisation. Vous dites les gens qui font de la publicité, c'est pas sérieux. Oui. Est-ce qu'on peut se faire payer ou pas en étant guérisseur ? Ah ben oui, en général, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils donnent ce qu'ils veulent ou ils donnent à peu près comme le docteur, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Des fois, il y en a qui veulent donner plus, mais je leur dis non, non, non, voilà. Et des fois, il y a des gens, un monsieur que j'ai trouvé ce matin, et puis il avait des problèmes de famille, et puis je l'ai soigné, et il ne pouvait pas trop me payer, j'ai dit laissez faire ça. Et bien ce matin, je le trouve à la librairie, il s'en va, il dit au revoir et tout, tout à coup, il m'attendait devant la porte, il me dit t'es un beau champignon comme ça qu'il m'avait fait, qu'il m'avait taillé dans le bois, quoi, voilà. Et il me l'a donné avec. Ça m'a fait plaisir, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, il y en a que je ne revois pas. Mais lui, vous voyez, il avait pensé à moi, quoi, voilà. Et il m'a dit, plus tard, mais patientez, je peux avoir confiance à lui, je ne demande rien, je vous ferai une statue, voilà. Voilà. Et puis, il y en a que des fois, il me porte quelque chose, voilà. Et puis, des fois, si je vois des gens, ils me disent, je me ferai bien soigner, mais je n'ai pas trop. Allez, ne vous inquiétez pas de ça. Je laisse jamais partir les gens comme ça. Hein. Ou des fois, ils sont deux. Vous avez... Je n'ai pas pris rendez-vous. Allez, venez, allez, je vous soigne. Je suis pas un escroc de demander. Des fois, je vois des gens qui viennent, qui me disent, j'ai eu telle personne, il m'a demandé tant. Trois chèques ici, là-bas, je connais une femme du côté d'Auriac. Je lui dis, mais attendez, madame, il ne faut jamais faire ça. C'est pas bon. Parce que s'ils demandent l'argent avant, c'est que c'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis il y a des limites à tout, hein. Il faut être sérieux, il faut pouvoir passer la tête levée après. Vous ne demandez jamais rien et c'est les gens qui... Voilà, le principe c'est comme ça, voilà. Vous retrouvez les choses, les gens qui se perdent aussi. Et Peu, mais très peu, j'en fais pas. Moi, c'est pas mon... J'aime pas trop. Ouais. Vous faites comment pour retrouver les gens qui se perdent? C'est se concentrer avec les... Avec un pendule, non? Oui, avec un pendule. On m'a dit que vous aviez retrouvé la religieuse qui s'était perdue à Soulages, sur l'Aubrac. Ah oui, oui. C'est vous qui l'avez retrouvée? Oui. C'est une religieuse qui était âgée, très âgée, et qui s'est perdue, qui est partie. Il y avait pratiquement la maladie d'Alzheimer. Et alors, elle est partie, elle ne la retrouvait pas. Mais on l'a retrouvée quelque temps après, elle était décédée. Voilà. Mais c'est vous qui avez trouvé l'endroit? Oui, voilà. Alors le pendule, j'en ai plusieurs. J'ai une montre que je tiens. Mais la montre ne marche plus. Hein. Parce que voilà, avec le magnétisme, ne marche pas. Voilà. Alors... C'est une montre tout simple. À gousset. Oui, c'est une montre toute simple. Oui, c'est comme là, voilà un pendule. Après, je vous ferai voir. L'autre, comme mon oncle qui était guérisseur, c'est son fils qui me l'avait donné. Et ma tante. Alors, voilà, le pendule. La première fois que j'ai fait du pendule, c'est pas facile parce que j'en ai attrapé des maux de tête. Je peux vous dire une chose que j'en ai pris. Parce que déjà, il faut chercher où le pendule vous dit non et où le pendule, oui, dit oui. Alors, regardez. Là, il dit non. Pour dire non, c'est sur, il tourne vers la gauche, et pour dire oui, c'est ici, voilà. Voilà. Et ça vous permet de retrouver des gens? Comment les ça gens, se passe? Mais parce que les gens, j'aime bien avoir une photo, mais des fois, tout le monde est pressé, c'est pas évident, quoi. Voilà. Et avec une photo, c'est mieux. Après, les chiens de chasse qui se perdent, après des habits, après des bijoux, voilà. Bon, après, les gens, des fois, ils profitent de moi parce que, ils auront perdu une chose dans la maison, on pourra la faire chercher, ouais, voilà, c'est, j'ose pas refuser, mais bon... Les clés de la voiture? Oui, voilà, les clés de la voiture, oui. Ouais. Après, il y a des gens, quand il y a des vols ou comme ça, ils veulent savoir, mais ça, je peux pas... Je suis obligé de leur dire, je suis pas de la gendarmerie, je peux pas aller plus loin, voilà. Après, il y en a plein, mais après, c'était des Portugais qui étaient... c'était à Saint-Chély-d'Apché, et quelqu'un leur avait confié, avant de partir là-bas... Il a confié de l'or, voilà, des bijoux, un or et tout. Et la dame, elle se souvenait plus où elle avait mis ses bijoux, quoi. Et puis j'y avais dit, ils sont dans la maison, ils ont fouillé toute la maison, rien du tout, bon, ici, là-bas, et un jour ils viennent, ils me portent les photos. Et je me rappelle, il y avait trois chambres, j'ai dit, ça c'est dans la chambre du milieu, vous regarderez bien, vous les avez dans la... Regardez bien les draps, tout ça, vous les avez, c'est là, personne ne vous les a pas pris, parce que il y avait les enfants d'une qui étaient venus, il y avait ici, il y avait là-bas, le propriétaire qui avait la clé, j'ai dit, personne ne vous les a volés. Bon, passe quelques jours, d'un coup ils arrivaient, d'un coup le mari dit quand même, il t'a dit qu'il était, il faut surveiller. Alors, ils tournent le matelas, ils ont vu que le matelas avait été cousu. Ils attrapent le couteau, et les bijoux étaient là-dedans, ouais. Et la dame, elle avait fait une déprime, elle n'avait pas fait attention, elle ne se souvenait plus où elle avait... Cacher des trucs, ouais. Jean-Claude Rocher, est-ce que la présence des guérisseurs dans le Cantal peut être due à l'isolement du département, du fait peut-être du relief, du fait aussi des hivers rigoureux, enneigés? Alors moi, c'est quelque chose qui me met en colère quand j'entends ça, parce qu'en fait, on a toujours l'impression que le Cantal est un pays arriéré, un pays enclavé, un pays isolé, qu'il a toujours été à l'écart du monde, et rien de plus faux que ça, en fait. Et même dans l'histoire, on le voit, il y a eu des mouvements migratoires très importants dans le Cantal, ça a toujours été un pays d'émigration. Il y a eu bien sûr l'émigration vers Paris qui a permis aux gens de survivre. Enfin, on sait que la communauté des Aveyronnais et des Auvergnats de Paris est très importante. Mais avant cette émigration-là, il y a eu aussi l'émigration vers l'Espagne. Donc en fait, à chaque période, il y a eu une émigration. Donc en fait, je crois qu'on a on a beaucoup d'idées reçues et on a une méconnaissance de l'histoire de notre région. Et aujourd'hui, c'est un espèce de discours qui est véhiculé par tout le monde, une espèce de discours misérabiliste sur le Cantal. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai eu deux personnes âgées, qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Monsieur Lousser, on vient pour se faire soigner, mais pas surtout pour ça. On vient vous demander, vous êtes occupé de chercher dans vos enfants ou quelqu'un de la famille pour donner le don, et si vous arrive quelque chose ?» Alors j'ai dit, mais je regarde, j'ai dit, tant que le bon Dieu, la Sainte Vierge, me donnera de la vie, j'ai pas envie d'arrêter, je peux pas arrêter, quoi, voilà. Oui, mais vous devriez le donner. Alors j'ai répondu, c'est plus difficile que ce que vous croyez, voilà. Parce que pour faire ça, il faut aimer les gens. Si vous aimez pas les gens, c'est pas la peine, déjà, la première des choses. Et après, il faut être disponible, il faut répondre au téléphone. Les gens vous appellent tout le temps ? Ah oui, c'est quelque chose qui me dépasse, voilà. Il y a peut-être mon fils, je sais, qui pourrait le faire. Ils ont une magnifique petite fille, c'est celle que vous voyez là. Et il me dit, papa, non, parce que je vois trop tes téléphones sonnent jour et nuit, c'est une vie... Pour le moment, il n'en a pas envie. Est-ce qu'un jour, et pourtant, je sais qu'il pourrait le faire, voilà. Des fois, je lui dis bien, quand on est tous les deux tout seul, je lui dis, Jean-Paul, il ne faut pas laisser partir ça quand on est dans la famille. Mais par contre, une chose qu'il faut que je vous dise, il faut un guérisseur ou une guérisseuse. Il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi, et que je respecte comme un homme, il ne faut pas le faire trop jeune, ça. Je pense qu'il faut être mûr quand même et être bien conscient de ce qu'on fait, de ne pas se laisser entraîner, vous voyez ce que je veux dire. Il faut être sérieux dans son travail, voilà. Parce que c'est une position de pouvoir et il ne faut pas se laisser entraîner et manger par ça. Oui, et puis il y a un respect pour tout le monde, et puis voilà, il ne faut pas profiter du malade, il ne faut pas profiter... Il faut faire attention, voilà, c'est tout. Voilà. C'était Médecine rurale dans le Cantal, les mots des guérisseurs. Avec Jean Vareille, Jean-Claude Rocher, André, Jean-Claude Lousser, Roger Aldebert, Pierre Thoire et Julie. Pour cette série documentaire, je remercie Caroline et Jean-Guillaume Fabre, Christiane, Jean-Claude et Amandine Combier, Julie Raymond, Daniel Sautarel, Loïc Corinne et Fanny Delachaux, Noémie Richard et Mathieu Albespi. Merci aussi à François Stévenet et Denis Tricot. Attaché d'émission Marivonne à Bolivier, coordination Perrine Carvran, un documentaire d'Antoine Tricot et François Test. Thank you.